Figure-toi. Figure-toi. Des hommes qui vivent dans une sorte de demeure souterraine en forme de caverne, possédant une entrée qui s'ouvre largement du côté du jour. À l'intérieur de cette demeure, ils sont, depuis leur enfance, enchaînés par les jambes et par le cou, en sorte qu'ils restent à la même place, ne voient que ce qui est en avant d'eux, incapables de tourner la tête en raison de la chaîne qui la retient. Il y a une foule de gens contre moi. Un maître de lumière pénètre dans la caverne par un espace étroit entre deux rochers. Il n'y a qu'une profondeur noire. Il fait sombre, ils sont là. Parfois, il fait humide pour les de plus en plus serrés. J'ai peur. Alors j'essaie d'aspirer si je sors l'air frais, grand, cela pourrait mais je être me terrible. Énorme que celui de cette carrière. Il y aurait encore quand plus de gens au dehors. Il n'y a pas de vertu. Ils m'écraseraient, car je crois qu'ils sont encore plus lourds que ceux d'ici. Lorsqu'ils bougent, je suis leurs bientôt, ombres les suivent sur les parois de la caverne. Prisonniers. Le terme schizoïde s'applique à un individu qui éprouve un sentiment de solitude et d'isolement, pas capable de se sentir en harmonie avec avec dont la totalité de l'expérience, rupture dans ses rapports avec le monde qui l'entoure, mais divisé chez lui, dans le monde, comme un esprit attaché à un double éclatement, par un lien plus ou moins fragile, rupture de ses rapports avec lui-même, comme deux êtres distincts. Lorsque quelqu'un dit qu'il est irréel ou qu'il est mort, exprimant ainsi la cruelle vérité de son existence telle qu'il l'éprouve, nous le tenons pour fou.